aucun mélange. Brûle dans ce corps en silence. De me retrouver avant ça. Profiter des moments sans patience. Écouter la vie à tout va. Vouloir baptiser le diable, je sens mes démons qui s'élancent et qui me tirent malgré moi, arrache à mes désirs qui dansent, de goûter une vie qui s'en va. J'avais su hier.